Radio GECOM Web, la première radio en ligne du Sénégal oriental. GECOM, l'information autrement. Vous écoutez GECOM Média. Tidiane Diallo, président du conseil régional de la jeunesse de Tamba. Concrètement, qu'est-ce que nous avons fait pour la jeunesse? Nous pouvons vraiment, d'abord, nous sommes une organisation qui est corps constitué de l'État. Nous ne pouvons que s'aligner sur les projets et programmes et la politique de la jeunesse que l'État a mis en place et prendre des initiatives comme celle-ci aujourd'hui. Donc, pour vous dire que depuis notre élection, on peut dire aujourd'hui qu'on peut capitaliser beaucoup de choses. C'est parce qu'après notre élection tout juste, nous avons vu les financements que l'État a mis à la disposition de la région de Tambacounda à travers l'ANPEJ. Donc ça déjà, c'est des efforts qui ont été mis en place. Il y a plus de 120 millions qui ont été injectés dans la région de Tambacounda. Donc tout le monde peut témoigner aujourd'hui. Deux ans après, il y a eu l'agence de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes qui est dirigée même par un Tambacounda qui est Pape Amadou Sarr, qui a fait encore des actions. Et nous avons vu aujourd'hui que les projets et programmes s'implantent de plus en plus à Tambacounda parce qu'il y a un plaidoyer fort qui est en train de se faire. À travers vous, d'abord la presse locale, que je remercie d'abord parce que vous êtes en train vraiment de porter le plaidoyer de la région de Tambacounda à l'endroit de cette jeunesse. Mais ça ne suffira jamais en réalité parce que la demande elle est supérieure à l'offre. Donc sur ce, nous invitons d'abord l'autorité administrative qui est l'État du Sénégal, mais aussi inviter les jeunes à entreprendre en réalité. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut régler ce problème par l'entrepreneuriat. L'État peut créer les cadres, l'école, la santé et consorts, les formations. Et nous avons vu depuis un bon bout de temps, le président de la République a orienté pratiquement l'éducation vers la formation professionnelle. Donc, et c'est des résultats qu'on ne verra pas du tout au tard. Mais les résultats viendront d'ici 15 ans. Parce que nous avons, n'oublions pas qu'auparavant, la force de l'éducation sénégalaise était dans l'enseignement. Général en réalité, qui ne poussait pas à quelqu'un d'avoir quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de faire un plaidoyer fort à l'endroit du ministre de l'Industrie et tout, pour qu'au moins que notre Sodefitex qui est là, qu'on puisse l'industrialiser. Les jeunes, ça peut générer au minimum 3000 et quelques emplois. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser des cotons-tiges, des serviettes hygiéniques, des cuir-dents et autres choses. Donc quand on parle de coton, on parle de la région de Tambacounda. Donc, et nous avons vu aussi, alhamdoulilah, que cette année, il y a beaucoup de jeunes qui se sont investis vers l'agriculture, dont des élèves qui ont quitté l'ENSA, des gens qui ont pris vraiment leur initiative en main, sans accompagnement ni rien, mais ils se sont investis dans l'entrepreneuriat agricole. Donc cette année, c'est à magnifier. Maintenant, ce qui reste, que tout le monde puisse se retrouver autour d'une table et discuter pour trouver d'autres solutions. Interpeller le président de la République pour qu'au moins que notre chemin de fer qu'on veut vraiment réhabiliter, avant de la réhabiliter au moins, que pousser les jeunes aller faire des formations sur les métiers ferroviaires. Parce qu'en fait, ça va générer de l'emploi. Mais si les jeunes ne sont pas préparés par rapport à ça, il y aura un problème. On voit déjà, tous ces pays, c'est des chantiers. Quand l'État prépare des chantiers, ils disent que nous allons créer de l'emploi. Et à compétences égales, c'est dans ces régions-là qu'on va prendre le personnel. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit dans les chantiers, les jeunes de Tamba, ils sont là pour orienter les véhicules et nettoyer et faire du gardiennage. C'est parce que nous n'avons pas de formation par rapport à ça. Maintenant, sur ce, on invite l'autorité administrative d'anticiper sur tout pour qu'on puisse au moins, s'il y a des opportunités, qu'on puisse insérer en réalité nos jeunes. Président, voilà. Président, s'il vous plaît, juste une dernière question. Que répondez-vous à ce jeune qui est à Gouremnyapalde? Il est simplement, il n'est pas évident par rapport à ce que vous faites. Bon, de toute façon, nous sommes en train de faire notre mieux aujourd'hui à travers le projet VIS qui est là, qui sont en train de dérouler des formations dans le monde rural. Qui sont en train de faire des activités dans le monde rural. Avant-hier, on vous a vu à Missira, en train de faire des reportages. Donc ce développement doit porter par tout le monde. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On ne pourra jamais régler le problème carrément. Tout à l'heure, j'entendais un journaliste poser la question pour dire est-ce qu'on peut éradiquer. Éradiquer, c'est impossible. Parce que aussi, l'immigration, c'est des questions d'options parfois. Un jeune qui parvient à mobiliser 600 000 francs et qui se paye son ticket pour partir, mais c'est parce que c'est des options aussi. Il n'a pas un problème. Vous êtes fonctionnaire. Est-ce que vous avez épargné 600 000 dans votre compte bancaire? En tout cas, moi, je ne parviens pas de le faire. Donc, si un jeune là C'est parce que parfois c'est un problème d'options. Maintenant, il faut les orienter par rapport à ces options, que ça soit une immigration organisée. Radio GECOM Web, la première radio en ligne du Sénégal oriental. GECOM, l'information autrement. Vous écoutez GECOM Média.